Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanwasul fi dirasati hadhihi ar-risala al-muhimma al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Wa taqaddam ma'ana fi ad-dars as-sabiq ذكر فضائل أو أهمية تعليم هذا العلم التوحيد وكذلك أنا سيتي أن هذه الرسالة المؤلف جمع فيها كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في التوحيد إلى سيتي الأصول الثلاثة qu'on va lire ensemble aujourd'hui إن شاء الله تعالى. Il a cité Shurut la ilaha illallah, il a cité Nawaqid al-Islam, il a cité ma yata'allaq bi al-ta'ut wa anwa' al-tawhid. Fahiya risala jami'a, mufida, khasatan pour al-mubtadi. Pour le débutant, elle est tayyiba jiddan. C'est un miftah tayyib fi al-tawhid pour commencer. Il a cité des points importants et avec le sharh de Sheikh Najmi rahmatullah alayhi. إن شاء الله الفوائد سيكون نافعة. قال العلامة الشيخ نجمي رحمة الله عليه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. أو هذا من كلام من الجامع بلتو الذي جمع الرسالة. قال وهي أي هذه الأصول الثلاثة. Il a cité trois fondements, rahmatullah alayhi, ay al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fi risalatihi al-mashhura al-usul al-thalath, ou thalathatu al-usul. Et on l'a étudié ensemble, walillahi alhamd. Et huna, il l'a résumé, sans citer les preuves, sans citer Shaymina al-tafsil qu'il a cité fi al-usul al-thalath. Qala wa hiya معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Ces trois fondements أخذها من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل أي ما يتعلق بفتنة القبر بسؤال الملكين في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك. فسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم il a montré à Al-Mayyit il se fera interroger dans sa tombe et il sera questionné sur trois choses. Man Rabbuk wa ma dinuk, il sera interrogé sur son Rabb, c'est qui son créateur. Kadhalik man Nabiyuk, son prophète. Wa ma dinuk, et sur sa religion. Hadhihi hiya al-usul al-thalath. Chaque musulman il sera questionné dans son qabr an hadhihi al-as'ila. المسلم وغير المسلم الكافر المنافق يبغى تغيبوند. لماذا؟ لأنه مات على الكفر أو على النفاق. المسلم بإذن الله عز وجل يجب عليه أن يجتهد في تعلم هذه الأصول الثلاثة. لأنه سي الآن وقبل الآن ولله الحمد qu'on sera interrogé. On doit préparer la réponse avant سؤال. وتعلمون أن في القبر الإنسان ne peut pas mentir. Là, في هذا القبر, c'est son إيمان, ses أعمال, son يقين, tous ses efforts qu'il a fait في الدنيا qui lui seront utiles بإذن الله جل وعلا. شيخ الإسلام il a écrit cette رسالة الأصول الثلاثة للبادئين, pour les débutants. Et elle est مهمة جدا. قال وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ces trois fondements qui sont cités في حديث on a dit البراء رضي الله تعالى عنه. قال فإن قيل لك من ربك, si on te demande من ربك, قال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سوى. هذا جواب المؤمن. Annahu il répondra quand il sera interrogé Anna Rabbahu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui lui a donné. C'est lui qui l'a guidé. Wa hadha Rabb amara jami' al-ins wal-jin bi'ibadatih. Qala azza wa jalla wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Donc, la faïda al-azima de cette ma'rifa, c'est l'amal. La yakfi mujarrad ma'rifa. Qad taqaddam ma'ana anna al-kuffar. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش يغكونسوا الله سبحانه وتعالى ان طنك الرب اي انه هو الخالق الرازق المحيي المميت ومع ذلك سالوغا ايتي دوكون يوتيليتي من يذكر الدليل اولا انهم يزون غكونو الرب وعرفوه من كيسيت الدليل من القران تفضل أحسنت نفس الآية التي أخذناها نعم في الدروس السابقة طيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هؤلاء يعترفون بهذا malgré cela النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus et c'est resté des kafara لماذا pourquoi عندما لماذا عندك يعرفون عن توحيد الربوبية ولكن لا عمل به ما نعم لا بس عرفوا أو يعترفوا أن الله عز وجل سر الرب كما نسيتي لفرس الأخ إلى ستة فرس لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زحكم باتش et ceux qui ils ont pas suivi le Nabi صلى الله عليه وسلم ils sont restés dans leur kufr لماذا Qu'est-ce qui s'est passé La yakfi mada Indak La yakfi arif anna Allah khalaqa al-khaliq Famada la bud min mada La bud min ta'bud Allah Ahsant la bud min tawhid al-ibada Enfin, ça ne suffit pas de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Rabb. Là, enfin, c'est pour ça que Cheikh al-Islam dans l'Usul al-Thalatha, après avoir cité al-Rububiyya, « قال وهو معبودي ليس لي معبود سوى » Et c'est ça, معنى « لا إله إلا الله » Et Cheikh al-Islam, il a détaillé cette shahada avec des shurouts. Ou, Cheikh Abdurrahman plutôt, rahmatullah alayhi, il a détaillé cette shahada avec des shurouts. Que Sahib al-Wajibat va citer et qu'on étudiera ensemble, Inch'Allah. Al-Muhim, Huna c'est un tambih muhim, Anna hadhihi al-ma'rifa, c'est pas une mujarrad, une reconnaissance, Anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rabb wa kafa. Là. L'Anna Iblis, lui-même, il a jamais nié Anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Bel, i'tarafa bidalik. Quand Allah subhanahu wa ta'ala amarahu bisujud li Adam, La chose qu'il a citée pour montrer qu'il ne fera pas ce sujoud à Adam, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a pensé qu'il était supérieur à Adam. Limada? Lianna Allah il l'a créé min nar et il a créé Adam min tin. Ça montre que Iblis il reconnaissait en Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Iblis kafara limada? Lianna il a pas voulu faire ce sujoud. Il a pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre ce point muhim, anna ma'rifat Allah, elle sera utile pour l'abd, idha wahad Allah fi l'ibada. Et c'est ça le tawhid, et c'est ça ma'na la ilaha illallah, et c'est ça da'watu jami' al-rusul. Min Nuh alayhi salam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa idha qila lak, ma dinuk? Deuxième question, deuxième fondement, ma dinuk? C'est quoi ton din? قال فقل ديني الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا الإسلام إلى معنى عظيم إلى sens إلى des fondements أركان الإسلام إلى des choses qui contredisent هذا الدين Ces trois points, ça nous montre que l'Iman, ce n'est pas mujarrad nisba, une appartenance, une étiquette, une origine, abadan. C'est des fondements avec un sens précis et des choses qui les contredisent. Le shirk, ça annule ces fondements. C'est pour ça que le Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, dans ses rasa, il insiste sur ce point. En suivant un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'Islam, c'est hada. L'Islam, c'est pas une origine. L'Islam, c'est pas suivre ses parents. L'Islam, c'est pas des coutumes. Abadan. L'Islam, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid, awwalan. Ay, al-muslim, il s'écarte du shirk. Et ya'bud Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika. C'est ça l'islam. C'est ça aslu al-usul. C'est ça le premier fondement. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité fi arkan al-shahada. Comme on a vu fi hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma fi al-arba'i. Qala wa huwa l'istislam l'istislam lillahi bit-tawhid wa l'inqiyad bit-ta'a. Kadhalik ubiga Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'islam. Amma un nom فقط et la tawhid, la salah, la siyam, la zakah, aucune ibadah. Et هذا الشخص fait جميع المحرمات الشرك بالله والاستهزاء بالدين و toutes les ma'asi, ثم il prétend être musulman. من أين له هذا الإسلام. L'islam c'est un ism et c'est des fondements qui rentrent في هذا المسمى. Et le fondement principal il l'a cité هنا التوحيد. قال والبراءة من الشرك وأهله. Ça c'est un fondement عظيم كذلك. On va pas s'étaler sur ce point لأن le prochain dars ça sera sur ça بإذن الله. أصل الدين وقاعدته. Et il a cité deux points. عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Et le deuxième point الإنذار عن الشرك في عبادة الله. Donc les détails on les citera Inch'Allah Ta'ala dans le prochain dars. قال وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. Troisième fondement, الأصل الثالث, معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa huna kadhalik, c'est pas mujarrab ma'rifa. C'est pas que connaître son nom, faqat, là. C'est connaître sa da'wa. À quoi il a appelé. C'est quoi qu'il a combattu. Alayhi salatu wa sallam. Connaître sa sunnah. Connaître ce Qur'an qui lui a été révélé. Qu'est-ce qui renferme ce Qur'an. À quoi il appelle hadha al-Qur'an. C'est ça ma'rifatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثم cette ma'rifa elle va impliquer des choses, des huquq. Comme ma'rifatullah azza wa jal elle a impliqué quelque chose de azim, qui c'est qui le répète avec un dalil id astata, ma'rifatullah azza wa jal tastalzim amran aziman. Et celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en créateur, ça doit impliquer des choses. Indama ça doit impliquer quoi? La amen. Ça doit impliquer al-amal. Mujarrad iman sans amal la yunfa. Wa a'zamu al-a'mal, c'est quoi? Le amal le plus important? Non, tawhid. C'est ça l'amal le plus important, at-tawhid. Tout ce qui vient après c'est fondé sur tawhid. Amalun bidun tawhid, c'est pas un amal maqboul عند Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il accepte pas l'amal du mushrik. Donc l'aslo c'est tawhid. Ce iman. Thumma العمل. قال عليه الصلاة والسلام لمعاد تدري ما حق الله على العباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال معاد est-ce que tu connais le حق d'Allah sur les عباد et le droit d'Allah sur les عباد. قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. C'est ça حق الله على العباد. Donc celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, il doit se soumettre à ses commandements. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné أولا التوحيد فعلم أنه لا إله إلا الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. Le premier fondement, le premier pilier, شهادة أن لا إله إلا الله. ثم si الإنسان سموحد, tout ce qu'il fera بإذن الله عز وجل ça sera fondé sur ce توحيد. Lakin il devra faire attention à une deuxième chose. Faddal. Ahsan tarkul bid'ah. Les anna, pour que l'amal soit accepté, il faut qu'il soit fondé kadhalik sur le troisième point. Ittiba' an-nabi alayhi salatu wasalam. Fa al-bid'ah c'est pas accepté. Ça contredit le troisième point. Ash-shirk c'est pas accepté, ça contredit le premier point. Ces deux points, si tu médites bien, c'est l'islam. Donc tu as les trois fondements. Al-asl al-awwal ma'rifatullah, ar-rabb, al-asl al-thani al-islam, al-asl al-thalith ma'rifat an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Donc هذا c'est muhim, c'est pas mujarrad ma'rifa, c'est pas qu'une reconnaissance. C'est pas que dans le cœur, comme ils disent Ba'd al-Juhal. Là, Hadad Din est fondé sur l'iman, sur cette ma'rifa, avec yaqin. Kadhalik, sur des aqwal. Et kadhalik, al-amal. Aqidatu ahli sunnati wal jama'a fil iman, annahu qawlun wa'atiqadun wa'amal. C'est ça l'iman. C'est pas mujarrad une appartenance, mujarrad ma'rifa. Kama yaqul ahli al-bida'i wal-dhalal. Qala al-allama. الشيخ النجمي رحمة الله عليه قال المصنف رحمه الله الشيخ النجمي رحمه الله dans son شرح quand il dit قال المصنف أي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأن الكلام c'est كلام شيخ الإسلام أما الشيخ عبد الله القرعاوي وفقه الله فجمع هذا الكلام comme on l'a dit سابقا des مؤلفات de شيخ الإسلام أما الشيخ النجمي رحمه الله ف يذكر كلام شيخ الإسلام يسيد directement الإمام رحمة الله عليه قال المصنف رحمه الله الواجبات المتحتمات المعرفة c'est le titre de la رسالة أي التي لا يجوز لأحد التهاون فيها أو التساهل بتعلمها الواجبات المتحتمات هاي c'est des obligations que chaque مسلم il doit apprendre. Personne n'a le droit de négliger ces wajibat. Hommes, femmes, hatta les enfants, s'ils ont atteint un certain âge et ils comprennent, on doit faire des efforts, leur apprendre, en leur simplifiant. Que ce soit un arabe, un non-arabe, qui soit nouveau dans le din, il doit commencer par hadhihi al-masa'il. قال أي التي لا يجوز لأحدنا التهاون فيها. On n'a pas le droit. بعض الناس للأسف يبيرد leur temps في قيل وقال يبيرد leur temps dans des choses qui ne les regardent pas. يكثرون من الكلام في السياسة يبيرد de politique ou يبيرد de autre et ربما ils ont un ضعف et un تقصير في هذه الأمور alors que Allah سبحانه وتعالى on a cité le verset nous a créé que pour هذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Donc le musulman il commence par le début. Il m'a délaissé ces choses et perdre son temps dans d'autres choses. Ce musulman, son dîn sera daïf. Robama une fitna, elle lui fait beaucoup de mal. Robama une shubha, il arrive plus à comprendre. Robama une rumeur, il a un doute dans son dîn. L'imam Ali al-Nadin, il n'est pas fondé sur des fondements solides. Cette risale, celui qui l'apprend, ou il l'étudie, il la comprend, et la met en application, Inch'Allah ta'ala, il aura des fondements solides. Thumma, il construit sur cette risale. Il apprend comment faire salat. Thumma, il fait encore des efforts dans tawhid, détaillé plus. Il apprend sa aqidah, fil asma wa sifat. Et tu trouveras petit à petit, un an, deux ans, trois ans. Et Inch'Allah, il aura du khayr. Il aura acquis du khayr et il pourra donner du khayr. Amma, celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Qala, rahmatullah alayhi. وهي أي هذه الأصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أي le premier واجب les premières obligations ou la première obligation qu'il a cité dans cette risale pour chaque musulman c'est de connaître ces trois fondements. صحيح t'es un عبد, tu dois connaître ton رب, t'as été créé, tu dois connaître ton créateur. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné beaucoup de choses, tu dois être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné des choses, tu dois te soumettre. C'est ça l'islam, reconnaître Allah en tant que créateur, ثم appliquer. Qala fa amma ma'rifatu al-'abd rabbahu ma'rifatu al-'abd rabbahu fa huwa an ya'rifahu subhanahu wa ta'ala bi ayatihi wa makhluqatihi. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala bi ayatihi ay al-shar'iyya wa bi makhluqatihi ay al-ayat al-kawniyya. Deux choses. Al-ayat al-shar'iyya ay c'est le Coran et sunna la révélation. Enfin, ces ayats, elles te prouvent, elles te montrent qu'il y a un créateur. Il y en a qui sait qu'a révélé le Coran, c'est Allah. Enfin, si tu veux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu le connaîtras avec son livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ses noms, ses attributs dans ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'histoire de ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité beaucoup de choses dans ce kitab. Enfin, si tu fais des efforts fi hadha al-kitab, Inch'Allah, tu auras des connaissances. Le deuxième point, al-makhluqat. Pourquoi les créatures, si tu médites sur une créature, si Allah subhanahu wa ta'ala te wafiq, tu sauras que cette créature, elle a un créateur. Enfin, si cette créature, elle est kabira, elle est azima, elle est ajiba, enfin, ça te fera monter ton iman et tu sauras que le créateur, il est azam et akbar. C'est ça la faïda de méditer sur makhluqat Allah Azza wa Jal. قال الشيخ النجمي رحمة الله عليه والآيات تنقسم إلى قسمين آيات شرعية قرآنية وهي آيات القرآن هذا هو السيتي الوحي هذا الوحي celui qui fait des efforts في التدبر والتأمل ça lui fera monter l'iman et il connaîtra Allah سبحانه وتعالى قال آيات كونية قدرية le deuxième قسم le premier قسم آيات شرعية. Vous avez remarqué, ça vient de Shara, ça vient de Sharia. Et le Coran, ou le Sunna. Le deuxième, Kouniya, ça vient de le Koun, et le Makhlouqad. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'est une ayah, c'est une preuve qu'il y a un créateur. Qala wa hiya allati ashara ilayha Allahu fi qawlihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité l'ayat ayatina fil afaq ay al makhluqat et le but hatta yatabayyana lahum annahu al haqq. Enfin, c'est quoi qui va les aider à comprendre ou à connaître ce haqq? C'est ces ayat. Abu Hanifa rahmatullah alayhi comme dhakara sharih al tahawiyya rahimahullah il a parlé avec un qawm la yu'minuna billah mulhidun. Et voulait leur montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Annahu c'est le haqq, annahu c'est le khaliq, le raziq, le muhyi, le mumi. Wa haoula le qawm, ils ne reconnaissaient pas ça. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il leur a donné un mythal avec l'ayat al-kawniya pour qu'ils comprennent. Et c'est un mythal tayyib. Allah alam suhat al-qissa al-Abi Hanifa, lakin al-mythal il est tayyib. Il leur a cité comme exemple un bateau, les Analqaum, ils étaient venus en bateau. Et il leur a démontré, Anna, ce bateau, si on leur dit à Haoula, Anna, ce bateau, il est venu de tel pays tout seul. Et la marchandise, elle s'est chargée seule. Et elle a été déchargée seule. Tout était fait sans personne. Et le bateau, il a tout fait tout seul. Falamma dhakara hadha al-imam Abu Hanifa li Haoula, la chaque annahum ankaru. Ils ont dit là, c'est pas possible. La aboud wahad qui conduit ce bateau, la aboud des personnes qui chargent, qui déchargent. Il faut un équipage, il est akhri pour un bateau. Le voyage, il ne se fera pas tout seul. Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, quand il a cité cet exemple, et ils ont accepté, il leur a dit, Fakiv, comment vous prétendez que ce soleil il est venu tout seul? Al-Shams. Al-Qamar kadalik, tout seul. Al-Layl, tout seul. Al-Nahar, tout seul. Vous-même, vous êtes venu hakada. Tous ces animaux, toutes ces makhlouqats, c'est venu tout seul. Alors que, Al-Ladhi, yatadabbar faqat fi Al-Layl wa Al-Nahar, il y a une ayah azim. Al-Layl, il a un temps précis, Al-Nahar, un temps précis, il y a des fawaid azim, Al-Shams, etc. Ils n'ont pas su quoi répondre. L'anna al-mital, il est wadih. Tout ça pour te montrer anna al-ayat al-kawniyya, c'est un délil. أن الخالق عز وجل il existe سبحانه. قال فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل فإنه بذلك تحتم على العبد توحيده لربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له. سيسا المهم. الشيخ النجمي رحمه الله يرحمك الله. الشيخ النجمي رحمة الله عليه يمطر أن هذه المعرفة لواجبة. أي reconnaître الله سبحانه وتعالى en tant que créateur c'est obligatoire. لا بد. Celui qui ne reconnaît pas Allah سبحانه وتعالى comme créateur c'est un mulhid, un kafir, un mujrim. لكن cette reconnaissance ça ne suffit pas. Celui qui reconnaît Allah en tant que créateur, قال فإنه بذلك تحتم على العبد توحيده لربه. Il est obligé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala في العبادة pour que cette ma'rifa, ce iman, il lui soit utile. قال عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم. عبدوا ربكم الذي خلقكم. أي celui qui t'a créé, t'es obligé de l'adorer. وإلا il n'y a aucune فائدة. Ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, unifie Allah subhanahu wa ta'ala, annahu c'est le khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumit, كذلك, unifie Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Ça va ensemble. Amma un qawm qui reconnaît Allah en tant que créateur faqat, et il unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, ce iman il lui est d'aucune utilité. Comme il a été d'aucune utilité à Iblis et à Kuffar Quraysh. Qala rahimahullah, واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه كائنا من كان. هذا تقدم معنا في القواعد الأربعة. الحقيقة ce كلام c'est un résumé des quatre règles qu'on a vues ou de certaines. La première règle qu'on avait vue, من يذكرها ceux qui étaient avec nous ou qui ont déjà étudié le kitab, la première règle de القواعد الأربعة عندما تفضل أن الله هو نعم أن الرب نعم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الرب. النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas Allah en tant que créateur. Là, ils reconnaissaient. Ils savaient très bien que Allah c'est le créateur. Malgré cela, النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus. Pourquoi? لأنهم ils ont fait du shirk في العبادة. Ils reconnaissaient Allah en tant que créateur, لكن قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Et pourquoi ils ont adoré ces statues? Que pour que cette statue elle le rapproche d'Allah. Donc ils voulaient se rapprocher d'Allah et reconnaissaient Allah en tant que créateur, لكن ils ont fait du shirk في العبادة. كفروا. النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus. كذلك هنا يcite الشيخ النجمي دون أحد سواه كائنا من كان. On avait une قاعدة في القاعدة الأربعة وهي الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a combattu كفار قريش alors que كانوا متفرقين في عبادتهم. فمنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار إلى آخره. Malgré cela, النبي صلى الله عليه وسلم il les a tous combattus. Il a différencié, il n'a pas différencié entre eux. Et il faut bien comprendre en tant que musulman que celui qui adore une pierre, c'est un mushrik. Celui qui adore la lune ou le soleil, c'est un mushrik. Celui qui adore un Nabi, c'est un mushrik. Celui qui adore un ange, c'est un mushrik. Celui qui adore Isa ibn Maryam, c'est un mushrik. لِأَنَّ الْعِبَادَةِ حَقٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. C'est un haq lillah. Celui qui donne ce haq à autre qu'Allah, c'est un mushrik. Même si cet autre, c'est un fadil. Il a un rang élevé indallah. مثلاً un prophète, un ange, لا يجوز. Le prophète, tu ne dois pas l'adorer, tu dois l'aimer et le suivre. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le shirk. Et il a combattu le mushrikin. فكيف بعض الناس إلا دور عياذ بالله. هكذا الملائكة وهكذا سائر المخلوقات on n'a pas le droit de les adorer. قال فهو ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس هناك معبود بحق سواه. فالحمد لله رب العالمين. هذا كلام الشيخ نجمي رحمة الله عليه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هنا كلام جميل في هذا. Il explique أن معرفة الله عز وجل تحصل بمعرفة هذين القسمين أي الآيات الشرعية والآيات الكونية. قال الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين. الله سبحانه وتعالى في القرآن il a démontré à ses عباد أن pour le connaître عز وجل il y a deux façons. قال أحدهما النظر في مفعولاته أي المخلوقات. المفعولات أي الله سبحانه وتعالى من أفعاله الخلق أنه يكره إلي كراتور سي المفعولات Il y a un fa'il et il y a des maf'oulat. Ce que le Cheikh Najmi l'a appelé ici, l'ayat al-kawniya al-qadariya. Donc ça, c'est la première façon. En méditant sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras sûr et certain anna le khaliq, c'est Allah. Celui qui les a créés, c'est Allah. Et on a donné l'exemple, l'histoire de Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. والثانية التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة آيات مشهودة أي tu vois مثلا أو tu entends مثلا الشمس والقمر la nuit le jour إلى آخره وآيات مسموعة le deuxième قسم أي la révélation le Coran que tu entends. Donc vous avez remarqué que هذه الأقسام il y a plusieurs noms. بعضهم ils l'appellent ayat mashhouda, ayat masmoua, ayat shar'iyya, ayat shar'iyya, ayat qadariyya, wa hakadha, kawniyya. Le muhim c'est que tu comprennes anta. قال فالنوع الاول كقوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخره. Tout ça c'est des ayat que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé et ça doit nous faire monter l'iman bit tadabbur. Le musulman qui médite via ça, ça doit lui faire monter l'iman. At-tadabbur fi ayatillah al-kawniyya. Le deuxième, il a cité le dalil, afala yatadabbarun al-Qur'an. Donc, le musulman, il doit être fi yaqin. Il doit être sûr, que ce soit avec le premier qism, le deuxième, les deux, an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq, al-muhyi al-mumit. Cette certitude, elle doit te pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. هذا الكلام d'Ibn al-Qayyim, c'est min kitab al-Fawa'id. كذلك قال, on lit un autre passage, et il est nafi' jiddan, toujours dans Ma'rifatullah. قال, rahmatullah alayhi, Ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Deux catégories. قال, Ma'rifatu iqrar, wa hiya allati ishtaraka fiha al-nas, al-bir wal-fajir, والمطيع والعاصي هذه tout le monde la reconnaît حتى إبليس كفار قريش on a cité les versets أنهم ils savent que c'est Allah qui crée que c'est Allah qui guide que c'est Allah qui donne la vie qui donne la mort لكن بعضهم ils ont appliqué la deuxième et d'autres ils se sont égarés la deuxième قال معرفة توجب الحياة منه والمحبة وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. Deuxième معرفة, elle va pousser ce عبد à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'aimer, à placer sa confiance en lui, aimer pour Allah, détester pour Allah. هذه il y a que le mu'min qui l'applique. Et il y a des degrés bien sûr. Et le kuffar, ils l'ont pas appliqué. Ils ont reconnu Allah en tant que créateur, lakin ils l'ont pas adoré ou ils ont adoré ma'a un autre. ثم قال الامام ابن القيم ولهذه المعرفه بابان واسعان. هذا الكلام اللي مهم تاملوا باب التفكر والتامل في ايات القران كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. هذه المعرفه الان pour l'acquérir t'as deux portes. La première التفكر والتامل في ايات القران أي العلم faire des efforts في العلم خاصة في القرآن et القرآن on ne doit pas être comme البعض qui lui donne de l'importance que في الحفظ لا الحفظ bien sûr et كذلك التأمل والتدبر لأن هذا القرآن c'est fait pour l'appliquer pas que pour l'apprendre par cœur comme من الناس ils connaissent القرآن باركر ويخالفونه ليلا ونهار اللي كنتخديز نويت جوا لماذا؟ لأن سيدفنو ان اوتوماتيزم اللي كنتخديز باركر نحن لا on doit connaître et كذلك on doit donner l'importance à la compréhension حتى on contredit pas ce qu'on récite. قال والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة on l'a cité أي الكراتور ثم قال وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر. Ce qui va te rassembler tout ça, أي méditer sur la première catégorie, les créatures, et la deuxième sur les ayats, أي la révélation du Coran, Si tu veux acquérir les deux, ou comprendre les deux, ou méditer sur les deux, fais des efforts dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est a'zam al-uloum, c'est anfa' al-uloum. Pourquoi li'anna tu étudieras les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Al-mu'min qui connaît les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal avec la compréhension des salaf et qui les applique, inshallah il sera à la khayr azim. Qala fayakun faqihan fi awamirihi wa nawahih. Il va faire des efforts. Dans le premier bab, le Coran, dans le deuxième bab, كذلك الآيات المشهودة, dans les noms et les attributs, il connaîtra les obligations qu'il doit faire. Il connaîtra les interdits et s'en écartera. قال فقيها في قضائه وقدره. كذلك, il aura du ilm avec les noms et les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. S'il est touché par une maladie, il patientera. S'il est touché par la pauvreté, il sait que c'est Allah qui a décrété. S'il est touché par une épreuve, il sait qu'Allah, c'est arhamur rahimin, c'est pour son bien. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فالمؤمن qui a un iman قوي في الأسماء والصفات, toute sa vie elle sera facilitée. لماذا؟ لأن il a un منهج واضح عقيدة السلف. قال فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم il a conclu ce maqal avec ce verset. ذلك فضل الله. Ça c'est un فضل من الله. Il le donne à qui il veut. Enfin, celui qui fait des efforts في هذا فليحمد الله. Celui qui a un نقص في هذا فليجتهد في سبيل الله. Qui fasse des efforts. Celui qui veut الجهاد, c'est ça. Il est هنا. Faire des efforts في هذا العلم. علم العقيدة, علم التوحيد. Pourquoi الآن il y a un ضعف كبير في الأمة؟ مع أن حفظة الكتاب sont موجود. Il y en a beaucoup qui connaissent le Coran. Dans la langue arabe, il y a beaucoup qui ont des connaissances dans la langue arabe. لكن tu les trouves في باب العقيدة, il y a du ضعف. Et la langue arabe, elle n'est pas utile في هذا الحال. أو الحفظ, مجرد الحفظ, il n'est pas utile في هذا الحال. Sans une عقيدة solide. Et la base de العقيدة, c'est la compréhension de التوحيد. توحيد الألوهية et توحيد الأسماء والصفات. هذا الكلام الجميل من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الشيخ نجمي رحمة الله عليه أما معرفة الدين. Donc on a fini le premier fondement باختصار. أي معرفة الله. Connaître الله سبحانه وتعالى. Et tu le connaîtras عز وجل avec deux choses. الآيات المشهودة الكونية. أي ces créatures. تتأمل. Quand tu vois quelque chose d'azim, في السماء ou في الأرض, un مخلوق ou في نفسك, ça doit te faire monter l'iman et tu reconnais et tu sais أن الخالق c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, le deuxième point, en méditant sur l'ayat al-shar'iyya, le Coran, le Karim, et sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la révélation. فيها ayat عظيمة. Combien de choses Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن, elles se passent. Elles se sont passées. Combien de choses Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran, hatta des chercheurs l'un ils viennent de les découvrir, c'est des ayats pour le mu'min. Qala, deuxième fondement, amma ma'rifatu ad-din wa huwa an ta'rif din al-islam bil adilla wa huwa al-istislam lillah bi tawhidih wa al-inqiyad lahu bi at-ta'a wa al-bara'ah wa al-khulus min ash-shirk wa ahlih. C'est ça l'islam. L'islam ou al-haq. Wa ba'd an-nas l'an yuharibuna al-islam bism al-islam. كم من المنافقين الآن الزنادقة يقاتلون الإسلام au nom de l'islam. Ils ont inventé ce qu'ils appellent l'islam de France ou l'islam de telle chose ou يحاربون الإسلام. L'islam de France, si tu viens à comparer avec l'islam qui est cité dans le Coran, l'islam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam des Sahaba, l'islam des Salaf, si tu viens le comparer avec leur islam de France, c'est l'opposé. L'islam du Coran, c'est l'istislam lillah bi tawhid. L'islam de France, c'est t'es libre, عندهم. Tu ne dois pas forcer l'autre. Amma nahnu la, la bouddhiste islam lillah bi tawhid. Celui qui se soumet pas à Allah bi tawhid, c'est un mushrik, c'est un kafir, on le déteste fillah. Amma hum la. Qala, wal inqiyad lahu bi ta'a. Kadhalik, c'est une soumission bi ta'a. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'a pas le choix. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهم لا حتى في هذا الإسلام دو فرانس أي l'essentiel c'est la liberté, la laïcité. هذا قال والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. C'est ça l'islam الحق. On déteste chaque mushrik et on se désavoue de lui. ولو كان أبا أو أما, même si c'est un père, une mère, un frère, si c'est un mushrik, نتبرأ منه. Et on le déteste في الله عز وجل. Malgré que si c'est un proche, l'amour de ce père ou cette mère, elle reste en tant que proche. لكن في دين الله, par rapport à son shirk, نبغضه في الله. سائر المشركين, que ce soit اليهود, نصارى, n'importe quel mushrik, نبغضه في الله. C'est ça l'islam الحق. أنهم في هذا الباب, ils ont la tolérance إلى آخره. فالإسلام الحقيقي c'est هذا. فلا تغتر بدعوة هؤلاء الزنادقة. قال وهو ثلاثة مراتب, وهو ثلاث مراتب, الإسلام فالإيمان فالإحسان, وكل مرتبة لها أركان كما جاءت مفصلة في حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم, أي les questions que جبريل a posé au prophète محمد صلى الله عليه وسلم, عن الإسلام والإيمان والإحسان الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, ورواه مسلم وأبو داود والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام النووي رحمة الله عليه في الأربعين qu'on étudie ensemble, il a cité حديث عمر. C'est pour ça qu'à la fin قال رواه مسلم, لكن le même حديث il a été rapporté عن أبي هريرة في الصحيحين. حديث quand Jibril il demande au prophète صلى الله عليه وسلم ما الإسلام, النبي صلى الله عليه وسلم il lui répond ما الإيمان, il lui répond ما الإحسان, il lui répond عليه الصلاة والسلام. Ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les trois degrés de ce din, الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام il a des piliers, les cinq piliers de l'Islam. الإيمان il a des piliers, les six piliers de la foi. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يرى. توسع تقدم معنا وإن شاء الله on le reverra. Troisième fondement, معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهو عبد الله ورسوله. أولا, سنبي c'est un être humain. لا يجوز أن نعتقد فيه شيئا من أمر الربوبية أو الألوهية, أنه سان رب أبدا, سان عبد. فلهذا قال عبد الله, سان عبد لله عز وجل. Lui-même il a adoré Allah سبحانه وتعالى حتى مات عليه الصلاة والسلام. On n'a pas le droit de l'élever au niveau de رب أو lui donner un وصف من أوصاف الرب كما يفعل الجهال. On le suit pour adorer Allah Azza wa Jalla. On ne l'adore pas lui-même, alayhi salatu wasalam. Kama fa'alat al-Nasara bi'Isa ibn Maryam, ils l'ont adoré min dounillahi Azza wa Jalla. Qala wa rasuluh, kadhalik nu'min anna Allah subhanahu wa ta'ala akramahu bil-risala. Allah il a élevé hadha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-risala. Il a fait de lui un rasul. Ay awha ilayhi bi-shara wa amarahu bil-tabliq. بعثه الله عز وجل ليدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون به شيئا. تين رحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هدى ونور. النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré à الطريق comment adorer Allah عز وجل. Donc le premier fondement c'est adorer Allah عز وجل seul, معرفة الله, reconnaître que c'est Arab et l'adorer seul Azza wa Jal. Le troisième fondement, ce Nabi que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il te montre le tariq, comment faire salat, comment faire al-hajj, comment sortir zakat, comment adorer Allah, t'écarter du shirk ila akhir. C'est ça dinu l'islam. هذا النبي صلى الله عليه وسلم c'est l'uswa, l'qudwa. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est lui l'uswa alayhi salatu wasalam. On n'a pas le droit de faire passer le qawl d'un autre avant son qawl alayhi salatu wasalam. Fi dinillahi azza wa jal. Qala wa amma nasabahu fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab al-Musta'raba, wa al-Arab al-Musta'raba min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alayhima wa ala nabiyyina afdal as-salat wa atamm at-taslim. Il a cité une partie de des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le fils d'Abdullah, le fils d'Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashim min Quraysh. Fa Nabi sallallahu alayhi wasallam, il vient de cette tribu Quraysh. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui al-Arab, les descendants de Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fa hadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam كذلك الى الحق علينا الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé pour être suivi. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم on doit l'aimer. كذلك c'est من حقوق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Personne de vous ne croira tant que je ne serai pas, et le prophète صلى الله عليه وسلم, aimé auprès de lui plus que ses parents, plus que ses enfants et plus que lui, plus que tout le monde. Et كذلك plus que lui-même. كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه. C'est des حقوق هذه واجبة. Vous avez remarqué qu'il y a quelques jours, كثير من المسلمين, à cause de leur ignorance, et بعضهم, à cause de leur entêtement, ils ont fêté Mawlid al-Nabi alayhi salatu wasalam. Est-ce que ça rentre fi ma'rifat al-Nabi sallallahu alayhi wasalam? Abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wasalam, est-ce qu'il nous a déjà ordonné au conseil de fêter sa naissance? Abadan. Les personnes qui le connaissaient le mieux, le plus, ses enfants, Fatima radiyallahu anha, ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, il a akhiré. Ses compagnons, radiyallahu anhum, Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou Ali, radiyallahu anhum, et tous les autres, ils n'ont jamais fêté Hadha al-Mawlid. Ça montre que ça ne fait pas partie de Hadi al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Bel, c'est une bid'a. Wa kullu bid'atin dhalala. Fa ma'rifatu al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'aimer et le suivre. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibibkum Allah. Et celui qui suit al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il l'aimera. Et le prophète, il aime ceux que Allah il aime. Elle m'a inventé des mawalid. Au Ba'd al-Juhal, vous avez remarqué, ils écrivent son nom. Maintenant, dans leurs appartements, ils ont des cadres Mohammed, ou dans leur voiture. Il n'y a aucune faïda. Ce n'est pas ça l'amour du prophète. L'amour du prophète, c'est le reconnaître, croire que c'est un nabi, un rasoul. L'aimer plus que soi-même, plus que ses parents. Il a akhiré. Le suivre. Détester ceux qui l'accusent. Détester ceux qui se moquent de lui. Ashab, l'islam de France, quand ils ont fait les caricatures sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كثير منهم, ils n'ont pas pu rad et critiquer ceux qui ont fait les caricatures ou ceux qui soutiennent. كثير منهم sakatu. Et d'autres, ils ont clairement dit, c'est la liberté et la akhir. Et il mahabbat le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On déteste tous ceux qui se moquent de lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wallah al-musta'an. قال ابن القيم رحمة الله عليه et on conclut avec هذا الكلام الجميل في كتاب الفوائد أو لا في زاد المعاد قال رحمه الله نعم في زاد المعاد المجلد الأول وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. Si tu es convaincu que السعادة في الدارين, أي celui qui va être heureux في الدنيا et في الآخرة, c'est en suivant le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est le seul moyen, c'est la seule voie, celui qui va être heureux. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر سير القرآن السنة سير دين الله عز وجل. Donc celui qui suit le din sunna de Nabi sallam il sera heureux. Si tu es convaincu de هذا فيجب عليك ماذا de faire des efforts pour connaître sa sira, pour connaître sa voie عليه الصلاة والسلام. C'était quoi la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام? Si tu fais une étude ou une brève étude, tu sauras que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa était basée sur le tawhid. Tu vas donner de l'importance au tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu le shirk, tu détesteras le shirk. Et tu feras tout pour suivre هذا النبي sallallahu alayhi wa sallam. قال ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم بعضهم ils font beaucoup d'efforts في هذا ولله الحمد اي ils font des efforts pour connaître la voie du prophète عليه الصلاه والسلام لماذا لانه ملم si t'aimes une personne tu feras tout pour la connaître si t'aimes Allah عز وجل tu feras tout pour le connaître ce qu'on a cité l'étude des noms et des attributs si t'aimes un Nabi صلى الله عليه وسلم tu dois faire des études pour le connaître بعض الفرغ الان الجهال ils aiment une personne que ce soit un sportif ou autre ils connaissent tout sur lui كما تعلمون لماذا لانه علم ربما il le suit quand il se déplace il fait des recherches le musulman il doit aimer le Nabi صلى الله عليه وسلم et il doit connaître le Nabi عليه الصلاة والسلام للأسف الان بعض المسلمين ils connaissent même pas ربما des choses importantes sur le Nabi عليه الصلاة والسلام لا يعرفون الشيء ils savent qu'il s'appelle Mohammed et c'est tout صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمة الله عليه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كذلك سأصنع فضل من الله فأحمد الله أحمد الله أن on s'entraide à étudier ses fondements معرفة الله معرفة الدين الإسلام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم سأصنع فضل من الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعمل لأن cette معرفة ce طيب ce إيمان il est important لكن ينفع بالعمل en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, tawhid Allah azza wa jal fil ibadah, et كذلك en suivant un Nabi alayhi salatu wasalam. Ne faire passer la parole de quiconque sur la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Fal ma'boud, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, et l'uswa, al-qudwa, l'exemple pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Et cette adoration et ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dinu l'islam. Et ça, c'est un résumé de ces trois fondements. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadat. Naktafi bi hadha al-qadr. Et le prochain dars, incha'Allah ta'ala, on lira ensemble le chapitre suivant. Réviser ces usul qui sont très simples. Et les frères qu'ils avaient fait avec nous, al-usul al-thalath, ou avec un autre, incha'Allah, ce bab, il est maîtrisé. والحمد لله إلى هنا